Le loup et la poussière. Fable. Un loup cherchait à dérober un agneau et suivait la direction opposée au vent, afin que la poussière que soulevait le troupeau le dérobât au regard. Le chien de garde l'aperçut et lui cria. « C'est inutile, mon loup, de marcher dans la poussière. Tu auras mal aux yeux. » Et le loup lui répondit. « Voilà précisément le malheur, mon petit chien. C'est que j'ai mal aux yeux depuis bien longtemps, et l'on dit que la poussière que soulève un troupeau est un excellent remède pour la vue. »